L'automne est arrivé, mais il ne faut pas oublier de penser à notre retraite et surtout de bien planifier notre budget. Service financier Jacqueline Doucet a pour mission de vous aider à atteindre votre indépendance financière grâce à des stratégies personnalisées. Nous sommes en mesure d'optimiser votre situation financière en vous proposant une planification complète en placement et assurance. Pour rencontrer l'équipe dynamique et sympathique de Service financier Jacqueline Doucet, 418-276-6170. Monsieur Jacqueline Doucet et toute son équipe rappelle que l'achat local est vital pour protéger nos emplois et notre économie. On va parler de baseball. Hier, Steven Brofman a présenté son plan de stade, un stade qu'il mentionne que c'est le projet de sa vie, un stade qu'il veut faire de Montréal les 100 prochaines années. Quoi qu'il en soit, un qui était là, c'est Frédéric Deck de la Presse canadienne qui suit le dossier du retour des Expos depuis longtemps. Salut Fred! Bonjour Danny! Fred, avant de commencer de parler d'hier, Steven Brofman qui s'en va à Oakland au vu de tout le monde, mais au vu des journalistes de Tampa Bay et ainsi de suite. Je sais pas comment tu as pris ça, mais ça envoie tout qu'un message. Là. Écoute, le baseball majeur le savait. Ces deux hommes-là savaient que ça allait faire parler s'ils se montraient ensemble en public. Puis en plus, c'est l'invité du propriétaire des Rays. Je sais pas, là, mais ouais. C'est tout qu'un message. Voilà, évidemment, du côté de Stuart Sternberg, le propriétaire des Rays, et de Steven Brofman, on s'est empressé de dire qu'il n'était pas l'invité de Sternberg. C'est le groupe de Brofman qui avait tout bonnement demandé si c'était possible d'avoir des billets qu'ils ont payés. Ça, je n'ai pas me dire à croire qu'ils ont payé les billets. Ça, c'est peut-être l'histoire publique. Moi, je pense que... Mais de se montrer en public, on n'est pas... C'est deux hommes d'affaires qui veulent devenir partenaires. Moi, je comprends pas l'empressement de Stuart Sternberg de marcher entre le mur et la peinture dans ce dossier-là en disant « Non, c'est eux autres qui nous ont achalés pour avoir des billets, ça a pris 4 minutes de notre temps. » Il avait juste à répondre « Ben oui, je veux partir en affaires avec ce gars-là, faut bien qu'on apprenne à se connaître, faut qu'on se rencontre, faut qu'on parle de certains dossiers, sans parler du dossier de Montréal parce qu'il a officiellement pas obtenu la permission de Saint-Pete de commencer les négociations. Mais à un moment donné, ces gars-là, là, le projet, si c'est ce projet-là qui voit le jour, ça s'organisera pas en 5 minutes au coin d'un comptoir. Là. Effectivement. Puis on savait bien là, que ça allait faire parler. Là, parce que, tu sais, quelque part, les deux, s'ils n'auraient pas voulu se voir, puis s'ils n'auraient pas voulu que ça se parle, là, ils ne se seraient pas montés en public. On n'est pas des poissons temps plein, là. Non. Puis dans ce dossier-là, il n'y a rien qui est dit, il n'y a rien qui est fait, qui n'est pas planifié ou approuvé par le baseball majeur. Alors, moi, j'ai pas de... c'est pas innocent. Et d'autant plus que, hier après-midi, je ne sais pas si tu l'as entendu, mais sur les ondes de TSN 690, Steven Brofman a été dire à Mitch Melnick que c'est fini à Tampa, il n'y a plus rien à faire. Alors, évident là, que ce dossier-là est plus avancé. Oui, mais je ne sais pas si Fred, tu es d'accord avec moi, mais il n'y a rien qui transpire des rencontres. Il y aurait eu 3 rencontres la dernière fois que j'ai parlé avec Marc, mais semble-t-il, ce qu'on a entendu dire, c'est un gars, je pense, de Tampa qui a mentionné, qui s'est échappé un peu, qu'il n'est pas question, encore une fois, pour bâtir un stade avec une équipe à temps partiel. Là. Ça, on le savait déjà. Là. Non, exactement. Et moi, que rien n'ait transpiré, c'est pas surprenant. À un moment donné, ces discussions-là, ça doivent d'être secrètes. Mais on va en entendre parler bientôt, c'est évident. OK. Penses-tu qu'il va y avoir 25 000 personnes au match contre Houston? Moi, je pense pas. Ah, ouais. Moi, j'ai de la misère à croire... Écoute, je leur souhaite en quelque part parce que ces gars-là sont rendus en série après 163 matchs dans le cas des Rays. C'est le fun de voir ton travail souligné, tu sais, de voir tes efforts récompensés. Mais comment tu peux passer d'une douzaine de mille de personnes en course aux séries à 25-30 000? Dans les séries éliminatoires, je vois pas comment ça va arriver. Oui, effectivement. Je t'en ai parlé en dehors des ondes, Fred, mais je vais t'en parler en ondes aussi. Moi, je suis la station WDAA, c'est la radio des Rays, ça. Puis, oui. Tu sais, les likes, là, ça en dit long sur la popularité d'un sujet, hein? Je sais pas si c'est la radio, je me pose la question si c'est la radio qui est pas populaire ou si c'est les Rays, Mais écoute, lorsqu'il pose des questions sur les Rays, quand il est question des Rays, il y a 5-6 likes. C'est incroyable. Là. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Non, non, écoute, c'est... Je sais pas si la radio tu aussi... Dis, non, ça peut pas être la radio. Danny, ils sont détenteurs de droits des Rays, ouais. du Lightning, puis des Buccaneers. Il faut que ce soit une radio qui a les moyens ouais. de faire ça. Fait que donc, on peut déduire que c'est une grosse station de cette région-là. Qu'un post sur une équipe professionnelle attire 7 commentaires ou 7 likes seulement, ça en dit long sur l'intérêt que les gens ont dans ce coin-là pour les Rays. T'étais là hier, qu'est-ce qui s'est dit? Moi, j'ai trouvé que Steven Bronfman avait livré un discours vibrant, voire même inspirant. Il a parlé de toute la passion des Montréalais pour leur ville, pour leur vie de quartier. Et il a parlé de sa passion à lui pour Montréal et évidemment pour le sport. Il dit les deux peuvent aller ensemble. Il parle d'un projet d'une vie. Dans son cas, c'est presque son leg pour la ville de Montréal, qu'on peut dire. Il souhaite que le développement de ce quartier-là donne l'exemple pour les 100 prochaines années sur la façon dont les autres quartiers de Montréal seront repensés dans l'avenir. Et il parle d'un quartier et d'un stade éco-responsable, communautaire, inclusif, auquel les gens auraient accès. Moi, j'ai trouvé qu'il avait gagné beaucoup de points où il en avait à gagner, c'est-à-dire auprès des citoyens qui sont un peu plus sceptiques par rapport au projet. Okay. Et moi, je trouve que sa vision est très, très intéressante. Il parle d'un stade où il y aura très peu de places de stationnement disponibles. Il veut que les gens prennent les transports en commun, prennent le REM, le nouveau train électrique, ouais. qu'on prenne les Bixi, les trottinettes en location à Montréal, qu'on y aille à pied. Il veut que ce soit le plus éco-responsable possible. Il parle de récupérer l'eau de pluie, la fonte des neiges pour arroser le terrain puis les aménagements paysagers puis se servir dans les toilettes. Il dit, on n'a pas besoin d'eau potable pour ça. Il dit, on va se servir d'autre chose. Ça m'a ramené, je sais pas si tu te rappelles, la série de textes que j'avais fait au mois de mai avec les gens de Populus, les architectes de Stan. Et une de mes questions le nom du fondateur de la firme d'architecture m'échappe, là, ça va me revenir, mais en tout cas, une de mes questions à ce gars-là qui a signé les plans là de 15 des 30 stades des majeurs présentement, c'est est-ce que ça se peut faire une immense structure comme ça éco-responsable, tu sais, un stade vert, ça se peut-tu? Puis sans hésiter, il m'avait dit oui. Il dit, on construit des stades et des amphithéâtres qui répondent aux normes LEED. Ça, c'est les normes environnementales les plus sévères. Puis là, là-dedans, il y a des niveaux. Et lui, il dit, on peut faire des stades LEED platine, qui est le plus haut niveau, si on peut dire, là, d'éco-responsabilité dans une bâtisse comme ça. Okay. Alors, c'est possible. Alors, de toute évidence, à Montréal, on a envie d'embarquer dans un projet de ce type-là. Il va avoir, je ne sais pas s'il va y avoir une question de financement, je ne sais pas, sauf qu'en parlant d'environnement, il peut s'ouvrir des portes pour le... Je sais que le fonds vert n'existe plus, mais il y a une espèce de fonds vert qui existe encore pareil. Il peut aller chercher du financement. Non? Sûrement qu'il peut aller chercher des crédits d'impôts peut-être là, pour des constructions éco-responsables. Là, ça, c'est un aspect que je connais moins, mais sûrement que quand tu bâtis, tu sais, il y a des gratte-ciels qui sont LEED à Montréal, et sûrement qu'il y a des avantages aussi à faire ça. Oui, effectivement. J'ai oublié de te poser la question avant tout, ça sert à quoi cette présentation-là? Ça va être quoi la suite des choses? Je sais qu'il y a des groupes sociaux qui vont être là aussi pour parler. Eux autres ne veulent pas du stade, ils veulent avoir des logements sociaux, mais maintenant, il faut que tu bâtisses la richesse pour en partager par la suite. Mais c'est quoi la suite des choses? Là? C'est une espèce de table qu'ils vont décider. C'est quoi, en fait? Ben ça, c'est c'est l'OCPM qui fait ça. C'est l'Office de consultation publique de Montréal. Okay. Alors, ça le dit, c'est des consultations publiques. Les gens devraient s'inscrire pour soit déposer un mémoire écrit ou ils pouvaient disposer d'une fenêtre de 20 minutes pour aller présenter leur mémoire aux commissaires et pouvoir répondre aux questions des commissaires, comme Steven Bronfman l'a fait. Il y avait des groupes citoyens aussi hier soir qui étaient à l'horaire pour défendre des projets plus socio-communautaires. Mais moi, ce que je retiens de la présentation de Tourisme Montréal, qui a passé quelques minutes avant Steven Bronfman, et de celle du groupe de Montréal, c'est que un n'empêche pas l'autre. Et je pense que dans la présentation de Devimco, de Serge Goulet également, qui est le partenaire un peu immobilier de, du groupe de Montréal dans ce projet-là, c'est un peu ce qu'il a dit. C'est un quartier, eux autres, là, le quartier visé, c'est 1 million de pieds carrés presque, et le stade prendrait environ le tiers de ça. Mais il y a de la place pour assurer des logements sociaux, et c'est ce que Serge Goulet défendait. Si on peut augmenter la densité, c'est-à-dire bâtir plus en hauteur, 15, 17, 20 étages, eh bien là, ça va permettre aux promoteurs comme Devimco et Claridge, dans ce cas-là, ça va donner suffisamment de ressources aux promoteurs pour pouvoir assurer la construction de logements sociaux. Mais c'est évident que il pourra pas y avoir que des logements sociaux dans ce quartier-là, comme ça serait pas souhaitable qu'il n'y ait que des condos à 400, 500 000, 1 million de dollars non plus. À un moment donné, ça va. C'est un nouveau quartier qui est créé. Et quand on a développé Griffintown, qui est dans ce coin-là aussi, là, ça a été développé de façon un peu sauvage. Je le mets en guillemets dans le sens où, oui, on a construit des condos, des commerces, des tours à bureaux, mais ces familles-là qu'on veut attirer dans ces quartiers-là, ça prend des écoles, ça prend des services, et on n'a pas pensé à ça. Et je pense que cette consultation-là aussi vise à établir les bonnes bases pour le développement de ce quartier-là. Maintenant, est-ce qu'il y aura un stade de baseball ou pas? Moi, j'espère que oui, et moi, je pense que oui. Quand un organisme comme Tourisme Montréal qui donne son appui et qui dit que ça serait bon pour le quartier, c'est fort, là. C'est un gros bureau à Montréal, ça, Tourisme Montréal. La décision va être quand de ce bureau-là? La consultation ne prend aucune décision. Elle va remettre son rapport et ses recommandations, okay. Et ce sont les élus qui vont décider. Alors, au bout du compte, c'est la mairesse, c'est le comité exécutif de la Ville de Montréal qui va décider si oui ou non elle veut avoir un stade de baseball ou des tours à condos de 20 étages, ou c'est elle qui va décider du développement. D'ailleurs, la Ville a un droit de préemption, elle a un droit de... Moi, je dirais pas de refus, mais tu sais, elle a le dernier mot. Même si les terrains appartiennent au gouvernement fédéral, tu pourrais pas acheter ça puis mettre un abattoir là-dessus. Là. La ville a un droit de regard sur ce qui s'installe sur son territoire. OK. Donc, ça va être très, très intéressant. La suite des choses, ça va être quoi maintenant? J'ai l'impression qu'on va laisser terminer les Rays et il devrait peut-être avoir des nouvelles après ça? Non, absolument. C'est la prochaine étape, c'est de savoir. C'est que les Rays obtiennent la permission de négocier avec Montréal pour mettre de l'avant le projet des villes sœurs, auquel je ne crois toujours pas. Moi, je pense que les Rays n'auront pas la permission, puis qu'à un moment donné, on va se tanner, puis là, du côté des Rays, soit on va mettre l'équipe en vente, soit on va demander officiellement au baseball une relocalisation. Mais ça, c'est beaucoup plus loin. Là, la prochaine étape, donc, c'est pour les Rays obtenir la permission de la ville de Saint-Pete de négocier avec Montréal pour le projet qui a été présenté au mois de juin. J'ai hâte de voir. Frédéric, un gros merci. On s'en reparle dès que l'actualité que tu couvres l'exige. Parfait, merci. Frédéric, la presse canadienne.